Chapitre 3e. Le rejeton d'un croisé. Le jeune duc de Vallombreuse, dont la vente du château de Faubourlois avait, ainsi que nous l'avons dit, promis à la duchesse de Saint-Mandé, et il était sincère en faisant cette promesse, mais Célestine Marbot était là, et derrière elle Martineau. Plus soumis qu'un esclave, le pauvre Octave subissait, comme par le passé, le joug de l'actrice. Chaque jour, c'était un nouveau caprice à satisfaire et par suite de nouvelles dettes à contracter. En moins d'un mois, son passif s'élevait à 50 000 francs. Ce n'était que la préface du complot ourdi par Flavia, mis en circulation par Martineau et en action par Célestine. Un beau jour, l'actrice dit à brûle-pourpoint au jeune duc « Il y a trop longtemps que je demeure chez les autres, je vais avoir un hôtel à moi. » Octave risqua quelques observations, Célestine s'emporta. Il riposta. Elle simula une attaque de nerfs. C'était le manège habituel auquel elle recourait pour triompher des résistances d'Octave. Quand elle eut fait semblant de reprendre ses sens, il était à ses genoux. « Avez-vous donc un hôtel en vue ? » lui demanda-t-il. « Oui, mon ami, un vrai nid d'amoureux, où nous pourrons pendre la crémaillère dans 8 jours, si vous le voulez. » « Où est-il situé ? » ?»« Rue de Courcelles, un bijou d'hôtel. » Avec jardin sur le parc Monceau. Ah, fit le jeune duc, c'est un des quartiers les plus aristocratiques de Paris. Ce doit être fort cher. Voulez-vous donc que j'aille loger à Montmartre ou au Batignolles ? Dit Célestine Marbot d'un ton dédaigneux. Assurément non, mais on pourrait trouver ailleurs. Son propriétaire est obligé de quitter Paris. Il sera coulant, très coulant. Combien demande-t-il ? 250 000 francs. Le jeune duc bondit. « 250 000 francs ? » s'écria-t-il. « Mais où voulez-vous que je les prenne ? Est-ce que vous n'avez pas des fermes, des vignobles dans le Orléanais, sans compter votre domaine du Berry, où vous ne mettez jamais le pied ?»« Je réfléchirai à tout cela, » répondit Octave. « Et moi je ferai de même, » repartit Célestine Marbot d'un ton aigre. « Que voulez-vous dire ? C'est vrai. Je suis bien bête de vous faire le sacrifice de ma jeunesse. » Lorsque tant d'autres mettent chaque jour des monceaux d'or à mes pieds. Octave pâlit, ses sourcils se contractèrent, un éclair jaillit de ses yeux, un éclat était imminent, quand Asie entra, une carte de visite à la main. L'actrice prit la carte, et un sourire mauvais contracta ses lèvres. Quelle est cette carte ? Demanda le jeune duc. Cette carte, répondit-elle, est celle d'un riche portugais qui met son cœur et ses millions à mes pieds. Ce portugais qui n'existait point, avait été fabriqué par Martineau pour les besoins de la cause. « Et vous recevez cet homme ?» dit le crédule Octave. « C'est la troisième fois qu'il se présente chez moi, et j'ai tenu toujours ma porte fermée. Mais dans les dispositions d'esprit où vous êtes à mon égard, je vais le recevoir. »« Vous ne ferez pas cela. Qui m'en empêchera ? Moi ? Vous ?» Un moment Octave sembla hésiter, mais sa folle passion l'emporta. « Oui. » répondit-il, « car dans 8 jours, nous prendrons la crémaillère dans votre hôtel de la rue de Courcelles. » Célestine Marbot lui sauta au cou. « Ah, je vois bien que tu m'aimes, mon Octave, » lui dit-elle. « Un moment, j'avais douté de toi. Je m'étais trompée. Je suis bien heureuse, va. » « Que faut-il que je réponde à ce monsieur ?» demanda Asie. « Tu lui dirais qu'il s'épargne à l'avenir toute visite, » répliqua l'actrice. Asie, indigné de l'effronterie de Célestine, se retira silencieusement. 8 jours après, le domaine du Berry passait des mains d'Octave dans celle de Sir John Colfax, contre 300 000 francs, espèce sonnante, et Célestine Marbot devenait propriétaire du petit hôtel de la rue de Courcelles, contre 250 000 francs, également payé comptant par le jeune duc de Vallombreuse. Cette vente et cette acquisition n'avaient point eu lieu, comme on le pense bien, par devant Maître Lacarrière. Salavert a eu soin de désigner un autre notaire. Le soir de la signature des 2 actes, un thé réunissait Martineau, le maître clerc, Cavarox et Maxou dans l'hôtel de Sir John Colfax. Flavia était rayonnante. Martineau, fier de son succès, pensa que le moment était favorable pour mettre sur le tapis la création de son journal. Elle l'arrêta dès les premiers mots. « Quand Octave sera complètement ruiné ?» lui répondit-il. « Alors, mais alors seulement ?» Je tiendrai mes promesses. » Cette réponse catégorique renfonça jusqu'au fond de la gorge de Salavert le petit speech qu'il méditait relativement à l'achat d'une étude qu'il avait en vue. Le docteur Cavarox, lui, n'avait rien à demander. Promu, depuis l'entrée de Scabieuse chez la duchesse, à la dignité de médecin de Miss Colfax, dont les attelages étaient admirés au lac, il avait en peu de temps conquis une sorte de célébrité. La colonie américaine de Paris ne se guérissait plus qu'en vertu de ses ordonnances, et il était devenu, sur la recommandation du riche Yankee, le représentant en France de la compagnie anglaise à laquelle le baron de Lavernay avait assuré sa sœur. Quant à Maxou, on se souvient qu'à l'exemple d'Hippocrate devant Artaxerxès, il avait refusé les présents de Flavia et qu'il se tenait en dehors de toutes ces menées ténébreuses. Au moment où les quatre jeunes gens allaient se retirer, l'ex-institutrice les riva, pour ainsi dire, au parquet par cette simple phrase « Cette soirée est une soirée d'adieu. » « D'adieu ?» s'écria Martineau avec stupéfaction. « Ma présence à Paris n'est plus nécessaire en ce moment, » répondit-elle. « Je m'absente pour 2 ou 3 mois. L'affaire Octave de Vallombreuse suivra son cours. Dans tous les cas, mon cher Martineau, vous êtes là pour raviver le feu, s'il faisait mine de vouloir s'éteindre. « Et où allez-vous ? » lui demanda le maître clerc. « Dans la Haute-Savoie, mon futur tabellion, » dit-elle en lui adressant un regard significatif. Mes renseignements de ces jours derniers sur le baron ont produit leur effet, comme je le prévoyais, se dit Salavert avec satisfaction. « Ah ! » fit Maxou en dressant la tête. Flavia n'eut pas l'air de remarquer le brusque mouvement de l'avocat. « Je suis curieuse, » continua-t-elle en souriant, « de visiter cette contrée pittoresque, d'admirer ses lacs. Ces montagnes et ce torrent du Fier qui, dit-on, n'a pas son second au monde. Le baron de Lavernay habite ce pays, je crois, » reprit Maxou en regardant Flavia dans les yeux. « En effet, » répliqua l'ex-institutrice du ton le plus naturel, « et ce voyage me procurera sans doute le plaisir de faire connaissance avec lui. » Maxou ne jugea pas propos de relever ses paroles. Salavert avait la figure radieuse. « Vous accompagnerai-je ? » demanda Cavarroux à Flavia. « N'êtes-vous pas notre médecin ordinaire ? » répondit-elle. « Je n'ai jamais vu la Haute-Savoie, » dit maître Maxou, et Flavia fit un léger mouvement qu'elle comprima aussitôt. « Nous serons enchantés, mon père et moi, de vous avoir pour compagnon, » interrompit-elle. « Eh bien, c'est convenu, je serai des vôtres, » reprit le jeune avocat. « Que diable veux-tu aller faire dans ce département savoyard ?» demanda Salavert à Maxou, lorsqu'ils eurent quitté l'hôtel de l'avenue de l'Impératrice. « Les procès chauffent en ce moment, un caprice qui m'est passé par la cervelle, » répondit-il, sans s'expliquer davantage.